بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas حفظه الله تعالى dans son livre التقليد في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية. Et donc on est toujours dans le chapitre dans lequel Cheikh Wasiullah il mentionne les méfaits du taqlid et les méfaits du ta'assub. Taqlid, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, hein, c'est le fait de suivre aveuglément et sans preuve quelqu'un dans tout ce qu'il dit. Et ta'assub, eh bien, c'est quelque chose qui est relié à ça aussi, puisque c'est le fait de suivre quelqu'un de façon fanatique, hein, sans preuve, et de s'attacher à cette personne suivant nos passions et des choses de ce genre. Donc, ta'assub, ça peut aussi avoir un rapport avec le fait de s'attacher à... ça peut être aussi rallié au fait de s'attacher à un peuple ou à une identité ethnique ou à une langue ou à une région géographique. Toutes ces choses-là peuvent rentrer dans ta'assub. Si on s'attache à ces choses-là, que ce soit vrai ou faux, sans tenir compte de ce qui est en accord avec l'islam ou en contradiction avec l'islam. Donc ça rentre dans ça. Et le cheikh, il dit maintenant, parmi les exemples qu'il a mentionnés, des fada'ih. Hein, des fada'ih de ta'assub al-madhhabi. Fada'ih, c'est le pluriel du mot fadiha. Le fadiha, c'est quelque chose qui est comme si, disons, quelque chose qui est honteux, quelque chose qui est scandaleux. Hein? Quelque chose qui est honteux et scandaleux. Et parmi les choses honteuses et scandaleuses qui ont été causées par le fanatisme, hein, ou l'attachement fanatique aux différentes écoles et aux différents madahib, il y a le point que le cheikh il mentionne ici, « Tarkul ahadith al-sahiha wal mumahaka wa tahammul li raddiha » وتأويل الأحاديث الجائر حتى يرد الحديث أو يطوعه للمذهب وهذه بعض شهادات الأئمة الذين أقام الله بهم أمر الأمة في زمانهم قال عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله ومن العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه ويتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية التعجب من غير استرواح إلى دليل بل ما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها نعم وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق من غير في غيره بل يصبر عليه مع علمه بضعفه وبعده فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتدي إليه فسبحان الله ما أكثر من أعمى بصره حتى حمله على ما ذكره. Donc il dit, le cheikh ici, même parmi les scandales ou les choses scandaleuses qui ont été causées par le fanatisme au madhahib, un fanatisme, l'attachement fanatique aux différents madahib, il y a le fait qu'il délaisse les hadiths authentiques ou bien il cherche un moyen dans le but de rejeter les hadiths authentiques. C'est-à-dire que parfois, bien entendu, ils ne vont pas dire « Ah oh non, moi je rejette le hadith » ou « Je ne crois pas au hadith ». Non, parce que s'ils font ça, c'est clair que yani, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de rejeter le hadith? Ils cherchent des méthodes. Hein? Ils cherchent des méthodes, des ruses ou des façons injustes de le rejeter. Hein? Et ils vont, par exemple, essayer de mettre des doutes sur son authenticité ou bien essayer de tordre le hadith dans sa compréhension pour le faire pencher vers le sens de ce que leur madhhab a supporté, hein, ou des choses de ce genre. Et donc, il dit, voici quelques témoignages de la part des imams, hein, qui ont été ceux par qui Allah a établi les affaires de la Ummah à leur époque. Et un exemple de ça, c'est la parole de Izzeddin ibn Abd al-Salam, qui est mort en l'an 660 de la Hijra, un cheikh qui était en Égypte justement, hein, Izzeddin ibn Abd al-Salam. Il dit, il est étonnant que les fuqaha qui suivent aveuglément, yani, qu'ils se rendent compte de la faiblesse de la position de leur imam, hein, et qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas capables de repousser cette faiblesse-là parce qu'ils réalisent que c'est quelque chose qui est, hein, évident, eh bien, yani, il dit, malgré ça, tu vois qu'il va laisser tomber le Coran et la Sunna et les analogies authentiques, et il va s'attacher de façon rigide et fanatique, aveuglément, à son imam et à son madhhab, et il va essayer de repousser de repousser les sens apparents de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna et de les interpréter par des interprétations qui sont très éloignées de la réalité, hein, pour être capable de continuer à suivre celui qu'il suit aveuglément, hein, ou l'imam qu'il suit dans le madhhab qu'il a choisi ou dans le madhhab qu'il a étudié. Et il dit, on les a vus ces gens-là quand ils se réunissent dans les assemblées et que on leur mentionne ou on mentionne à l'un d'entre eux une position qui est contradictoire à celle sur laquelle ils se sont placés et ils s'étonnent d'un étonnement incroyable, hein, lorsqu'on leur mentionne le dalil, hein, et souvent ils n'ont aucun dalil pour supporter leur position eux-mêmes. Mais étant donné qu'ils ont déjà pris l'habitude de toujours suivre aveuglément la position de leur imam, ils sont même arrivés jusqu'à croire que la vérité se limitait uniquement dans la position de leur imam et dans le madhhab de cet imam-là. Donc, le fait de vouloir même faire des recherches ou de chercher la vérité avec ces gens-là, c'est une perte, hein? Et ça n'amène que à des disputes et des problèmes qui vont faire par la suite que les relations seront coupées, hein, avec eux, sans qu'il y ait aucun bienfait qui en découle. Il dit, on a vu que il y en a rarement un d'entre eux qui accepte de revenir de la position de son imam quand on lui présente la vérité ou quand il voit que la vérité est ailleurs que dans le madhhab de son imam. Hein? Et il endure, il persiste à vouloir rester sur la position de son imam malgré la faiblesse de sa position et malgré à quel point cette position est éloignée de qu'est-ce qui est établi par les preuves du Coran et de la Sunna. Donc, qu'est-ce qui est préférable, c'est de laisser tomber la recherche avec ces gens-là, hein? Parce que ils ne sont pas capables de délaisser la position de leur imam et ils vont dire quoi pour s'excuser ou pour trouver une justification de qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire peut-être que mon imam il avait vu ce dalil-là, hein? Ou bien peut-être que yani, moi je ne l'ai pas trouvé le dalil mais lui il l'avait déjà trouvé, hein? Et je n'ai pas été guidé à cette preuve-là. Donc, subhanallah, le cheikh il dit subhanallah, comme ils sont nombreux ceux à qui Allah a aveuglé, hein, leur regard, jusqu'à ce que ça les pousse à agir de la manière qu'on a mentionnée. Donc ça, c'est mentionné dans son livre qui s'intitule Qawaid al-Ahkam. C'est un livre célèbre. Hein? C'est un livre célèbre et Yani beaucoup de ulama font référence à ce livre-là. Le cheikh, il dit, wa dhakara Abu Shama al-Maqdisi al-Shafi'i nisbatan al-Shafi'i nisbatan يعني طريقة فقه الصحابة بالكتاب والسنة ثم فقه الأئمة بهما وبالاجتهاد عند الحاجة ثم قال ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب المدونة ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها وقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم فقلدوا ولم ينظروا فيما نظر فيه المتقدمون من الاستنباط من الأصلين الكتاب والسنة بل صارت أقوال أئمتهم بمنزلة الأصلين فأخذوها مسلمة مفروغا منها ففرعوا عليها واستنبطوا منها ولم يبق لهم نظر إلا فيها وأعرضوا عن علوم الأصلين فعدم المجتهدون وغلب المقلدون حتى صاروا ممن يروم رتبة الاجتهاد يعني فصار ممن يروم رتبة الاجتهاد يعجبون وله يزدرون وكثر التعصب للمذاهب وقلت النصفة وبانت المثالب ودبت بينهم العقارب فجرت من بعضهم في بعض العجائب والغرائب وآل بهم التعصب إلى أن صار أحدهم إذا أورد عليه شيء من الكتاب والسنة الثابتة على خلاف مذهبه يجتهد في دفعه بكل سبيل من التأويل البعيد نصرة لقوله وإعراضا عن ما يجب عليه الأخذ به ولو كان وصل إلى إمامه الذي يقلده هذا المتعصب لقبله ذلك الإمام بالتعظيم والتبجيل وصار إليه إن لم يعارضه دليل. Donc, on va traduire cette partie jusqu'à ce point, puis après on va continuer l'explication de cette citation ici. Le cheikh, il mentionne les paroles de Abu Shama al-Maqdisi, al-Shafi'i nisbatan. Donc, il appartient ou il est attribué au madhhab al-Shafi'i, qui est né en 599 Hijri et qui est mort en 656. Et il mentionne la façon ou la voie des fuqaha parmi les sahaba, hein, ou bien plutôt le fiqh selon la voie des sahaba qui se basait sur le Coran et la Sunna. Puis il mentionne le fiqh des imams qui se basait aussi sur le Coran et la Sunna. Puis il mentionne également la question de l'ijtihad et le fait d'avoir recours à l'ijtihad lorsqu'il y a un besoin de faire l'ijtihad. Puis ensuite, il commence à parler de qu'est-ce qui s'est passé par la suite, après l'époque de ces imams-là. Il dit, les gens sont restés sur cette façon de prendre les règles de l'islam, du Coran et de la Sunna, jusqu'à ce que, il dit, les choses sont restées telles que je les ai mentionnées, telles que je les ai décrites, jusqu'à ce que les madahib commencent à devenir, disons, établis, soient établis et écrits. Quand les gens ont commencé à mettre les madahib par écrit, tout a été enregistré, tout a été mis dans des livres, et que ces madahib, les quatre madahib en particulier, ont commencé à devenir de plus en plus populaires, eh bien les autres madahib ont été délaissé. Et il dit que, donc, quand la motivation et l'intérêt pour les gens qui suivaient ces madhahib a commencé à diminuer, eh bien, ils ont délaissé les efforts pour justement chercher les détails de la science des textes du Coran et de la Sunna, et ils se sont mis à faire le taqlid, à suivre aveuglément. Et il dit que ils n'ont pas regardé les textes tels que les premiers musulmans avaient étudié ces textes pour en extraire les verdicts directement des deux bases, du Coran et de la Sunna, mais plutôt ils se sont limités à prendre des paroles de leurs imams. Et ils ont agi avec les paroles de leurs imams comme on agit avec les deux fondements. C'est-à-dire, ils ont traité les paroles de leurs imams comme si c'était le Coran et la Sunna. Et ils les ont pris, yani, comme étant quelque chose d'établi et d'accepté, et qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion là-dessus, ça y est, c'est ça la vérité. Et yani, ils ont extrait des règles de ces positions de leurs imams, et ils ont extrait de ces paroles des verdicts et des jugements. Donc, ils ont laissé de côté le Coran et la Sunna, ils ont pris les paroles des imams comme si c'était ça la référence, comme si c'était ça la base. Allah al-Musta'an. Et donc, ils n'ont pas eu d'autres façons d'analyser et de chercher la vérité, excepté dans les textes de leurs imams et dans les madhahib de leurs imams. Ils se sont détournés de ces deux fondements de la religion qui sont les deux bases, le Coran et la Sunna. Donc, par la suite, on a vu qu'il y a plus, il y a plus, il y a pas, il y avait plus de savants mujtahidin, des savants qui sont aptes à faire l'ijtihad. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui se donnait la peine et l'effort de faire les études nécessaires pour justement atteindre ce degré d'ijtihad. Et la majorité des gens se limitaient à faire le taqlid et à être des muqallidoun. Jusqu'à ce que, yani, quand quelqu'un essayait d'atteindre le degré d'ijtihad, les gens s'étonnaient de ça et ils méprisaient, hein, toute personne qui aspirait à atteindre ce degré. Hein, subhanallah. Et il dit que on a vu donc beaucoup de fanatisme s'installer chez les musulmans, hein, le fanatisme envers les madahib, hein, et. Et ces choses-là se sont propagées parmi eux comme des scorpions. Et on a vu arriver de la part de certains d'entre eux, les uns contre les autres, des choses étonnantes, des choses bizarres. Hein? Et même que ça a amené certains d'entre eux à rejeter ce qui était établi de façon authentique dans le Coran et dans la Sunna lorsque c'était quelque chose qui était en contradiction avec leur madhhab, hein, et de le rejeter. Et il dit, voyez, il fait tous ses efforts pour rejeter ce qui est mentionné dans le Coran, dans la Sunna, en utilisant des interprétations très éloignées pour défendre la parole de son imam et se détourner complètement de ce qui est obligatoire pour lui de prendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est tiré des textes. Il dit, ولو كان وصل إلى إمامه الذي يقلده هذا المتعصب لقابله ذلك الإمام بالتعظيم والتبجيل وصار إليه إن لم يعارضه دليل. ثم تفاقم الأمر حتى صار كثير منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث ويعيبون من يعتني بهما ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه وتقدمته بين يديه من الاحتجاج للمذاهب بالآراء وكثرة الجدال والمراء فينقضي منهم المجلس بعد المجلس لا يسمع فيه آية تتلى ولا حديث يروى وإن اتفق ذكر شيء من ذلك لم يكن في المجلس من يعرف صحيحه من سقيمه. Donc il dit le cheikh que les choses ont continué à dégénérer jusqu'à ce que beaucoup d'entre eux ne considèrent même pas d'importance à étudier les sciences du Coran et du Hadith. Et ils ont même commencé à Yani blâmer les personnes qui se préoccupaient de l'étude du Coran et de la Sunna. Et il dit qu'il voyait que yani, c'est ce qu'il fallait donner, ce à quoi il fallait donner de l'importance, c'est d'apprendre et d'étudier les madhahib seulement. Et donc, ils ont commencé à essayer d'établir des preuves pour supporter leur madhhab en se basant sur des opinions, hein, et sur des discussions et des débats, hein, entre eux. Et donc, les discussions qu'ils faisaient dans leurs assemblées, lorsqu'ils s'assoyaient ensemble pour discuter de religion, eh bien, c'était des discussions uniquement basées sur la logique, basées sur la raison, basées sur la philosophie et sur les opinions, sans qu'on n'entende aucune mention de verset du Coran récité ou aucun hadith rapporté. Hein? Et donc, ils se sont entendus là-dessus. Hein? C'était là-dessus qu'ils étaient d'accord et c'est sur là-dessus qu'ils se mettaient, hein, qu'ils s'entendaient. Et yani, c'était très rare, il dit, c'est rare qu'on trouvait dans ces assemblées-là quelqu'un qui connaissait l'authenticité ou la faiblesse des hadiths qui étaient mentionnés. Hein? Si jamais on mentionnait un hadith, ou si on avait mentionné un hadith, il ne pourrait pas distinguer est-ce que ce hadith il est sahih ou daif. Donc ça, c'est la fin de cette citation. Et en réalité, quand tu regardes ça, tu vois que c'est même à notre époque aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont été dans cet état-là ou dans cette situation-là. Et en particulier lorsque tu regardes les livres de certains parmi les gens qui ont écrit des livres, par exemple parmi les ulama qui sont pas sur la sunna, hein, tu vois qu'ils vont écrire un livre sur un sujet. Et ils vont citer des hadiths, ils vont citer des hadiths, mais ils vont jamais mentionner est-ce que le hadith il est sahih ou est-ce qu'il est daïf, est-ce que c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, ou bien c'est rapporté par quelqu'un d'autre. J'ai vu de ces livres-là, par exemple, qui sont écrits dans certains pays musulmans, et l'auteur du livre, il écrit le livre, puis il mentionne des hadiths, puis tu vois en bas de page, hadith. Hadith, ils vont juste dire hadith nabawi, un hadith nabawi, par exemple, hein, une parole prophétique. Ou bien ils vont mentionner akhrajahu at-Tirmidhi, hein, mais sans mentionner est-ce qu'il est sahih ou daif. Donc, ils laissent les gens comme ça. Hein. Tu lis le livre, tu lis qu'est-ce qui est écrit dedans, tu sais pas si c'est sahih ou non. Beaucoup de musulmans, ils ont été éduqués avec des livres comme ça. Et ils rapportent tout ce qu'ils trouvent dans le livre sans savoir vraiment est-ce que c'est authentique ou non. Alors le résultat de ça, c'est que les gens sont avec plein de hadiths daïfs dans leur esprit, dans leur tête. Et c'est ça qu'ils ont appris de ces livres-là. Et par la suite, tu leur dis non, ça c'est daïf. Ils disent, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Comment ça c'est daïf? C'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est nécessairement sahih, hein? Donc ça c'est quelque chose que ces gens-là ignorent malheureusement. Et le cheikh dit ويكون الخبر هو المتبع ويؤول كلام ذلك الإمام تنزيلا له على الخبر والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا إنما هم يؤولون الخبر تنزيلا له على نص إمامهم نعم يؤول كلام ذلك الإمام تنزيلا له Donc ici le cheikh il dit également, il mentionne que il a cité également ce alim, il dit que lorsque yani, on a établi ça et qu'on a compris ça, on a compris que le fanatisme envers le madhhab d'un imam en question qu'on a suivi aveuglément, hein, il dit ce qui est ce qu'il faut faire, c'est pas de suivre tout ce qu'il dit et de prendre toutes ses paroles, peu importe comment elles sont, mais plutôt c'est de rassembler entre ses paroles, les positions qu'il a, et ce qui a été mentionné de façon authentique dans les narrations et les informations au sujet de la religion. Et donc, la personne qui agit de cette manière, il sera quelqu'un qui a suivi les preuves, malgré qu'il suit cet imam, mais il suit cet imam en se basant sur les preuves. Et si il trouve la vérité ailleurs que chez cet imam, il va l'accepter, il ne va pas le rejeter, parce que yani, ça vient pas de son imam. Hein. Et donc, il ne faut pas interpréter la parole de qu'est-ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, en se basant sur les paroles de l'imam pour essayer de déformer les paroles du Coran, de la Sunna ou des textes pour que ce soit en accord avec qu'est-ce que leur imam a dit, mais plutôt c'est le contraire qu'il faut faire. Hein? C'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut se baser sur les paroles de ce qui est mentionné dans les textes, hein, sur le Coran et la Sunna, et si on trouve les paroles d'un imam, eh bien, de comprendre les paroles de cet imam-là en se basant sur qu'est-ce qui est authentique du Coran et qu'est-ce qui est rapporté dans. Qu'est-ce qui est authentique de la Sunna et qu'est-ce qui est rapporté dans le Coran. Et si c'est en contradiction, tu laisses la parole de l'imam, tu suis qu'est-ce qui est dans les textes. Et le cheikh dit وَقَالَ أَبُو شَامَ الْمَقْدِسِ أَيْضًا وَمَا زَالَ أَكَابِرُ الصَّحَابَ بِنْ عَهْدِ الصِّدِّيقِ فمن بعده رضي الله عنهم يخفى عنهم شيء من السنة وإذا نسب إلى بعض المتأخرين أنه خفي عليه شيء من السنة أنف ذلك المقلد المتعصب المتعصب المتعصب المتعصب من هذا وأنكر وأنكر أي نعم وأنكر وخوف وحذر وهو غارق في غيه المنكر لو سمع وأبصر ومن العجب أن كثيرا منهم إذا أورد على مذهبهم أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرة بلا حياء ولا حشمة مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة وإنما طريقه في تأويله وتخريجه والاعتذار عنه بدون هذه العبارة الردية التي يروم أن يرد بها قول مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لتصحيح مذهبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا أو ترشدوا واقتدوا بالذين بعدي أو من بعدي أبي بكر وعمر. Donc ici le cheikh il explique que les grands parmi les sahaba depuis l'époque de As-Siddiq Abu Bakr radiyallahu anhu et ceux qui sont venus après lui, hein, eh bien, les grands, il dit, mazal akabir al-sahaba. Les grands parmi les sahaba, depuis l'époque de As-Siddiq et ceux qui sont venus après lui, radiyallahu anhum, c'est certain qu'il y a peut-être certains aspects de la sunna ou certaines parties de la sunna qui leur ont échappé. C'est possible qu'ils ont ignoré certaines parties de la sunna parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaissait tout de la sunna nécessairement. Et c'est arrivé que certains sahaba connaissaient des choses de la sunna que d'autres sahaba ignoraient. Hein? Et donc, il dit que si, par exemple, on attribue à certains parmi les savants qui sont venus plus tard dans l'histoire de l'ignorance de certains aspects de la sunna ou le fait que certains aspects de la sunna leur auraient échappé, eh bien, la personne qui fait le taqlid aveuglément de ces personnes et qui est fanatique pour ces savants-là, eh bien, il se fâche quand il entend ça. Comment tu peux dire que mon imam a ignoré des aspects de la sunna? Comment tu peux dire que mon imam y a des aspects de la sunna ou des choses de la sunna qui lui a échappé? Donc il rejette ça et il fait peur, hein, aux gens par rapport à cette pensée-là. Il dit, fais attention, hein, si tu dis ça, là, c'est grave. Crains Allah. Tu critiques mon imam, tu critiques l'imam, hein, tu dis des choses qui, tu dis qu'il ignorait des choses de la sunna. Donc il continue dans dans sa déviation et yani, il renie, hein, la réalité. Et il dit, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est étonnant de la part de ces gens-là, c'est que si tu leur citais, par exemple, une parole d'un grand parmi les sahaba, comme par exemple Abu Bakr Omar, eh bien, eux, ils vont renier cette parole ou bien ils vont la rejeter sans aucune gêne, en disant, oh, mais le nouveau madhhab de l'imam Shafi'i, ça dit que la parole d'un sahabi, ce n'est pas une hujja. La parole d'un sahabi, ce n'est pas une preuve. Donc tu vas rejeter la parole d'Abu Bakr, puis tu vas t'attacher aveuglément à la parole d'un imam parmi les imams. C'est contradictoire. Si tu dis que la parole de Abu Bakr, ce n'est pas une hujja, alors la parole d'un imam qui vient 200 ans après est encore moins une hujja. Hein? Donc, il dit, le cheikh, et il dit que la façon dont ces gens-là prennent leur interprétation, puis comment ils prennent leur position, il dit, c'est grave de prendre cette attitude-là envers les paroles des sahaba, hein, et de dire ce genre d'expression sans aucune gêne et sans aucune honte, tu rejettes la parole d'Abu Bakr ou de Omar radiallahu anhuma pour justifier ton madhhab et pour essayer d'établir que ton madhhab est correct. Alors que le prophète, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si vous obéissez à Abu Bakr et Omar, vous allez être bien guidés. Hein? Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih selon Abu Qatada. Et que dire de l'autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par At-Tirmidhi, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, prenez comme modèle après moi, ces deux-là, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar. Et donc, il dit, فَإِذَا أَوْرَدَ لِذَلِكَ الْمُعْجَبِ بِمَذْهَبِهِ الْقَلِيلَ الْحَيَاءِ فِي عِبَارَتِهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى خِلَافِ مَا سَطَّرَهُ لَهُ الشَّيْخَانِ أَبُو إِسْحَاقَ وَالْغَزَالِي أَوْ أَحَدُهُمَا لَا يَرَى الْإِنْقِيَادَ لَهُ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ اتباع الحديث وترك قوله المخالف له كما سبق فيرى رد قول الصحابي بقول إمامه كما زعم ولا يرى رد قول من صنف على مذهبه من المتأخرين بقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الشافعي رضي الله عنه أذن هذا وأمر بأن يترك نصه هو في نفسه فما الظن بنص بعض متأخري مقلديه يعني سبحان الله donc il dit cette personne qui est yani éblouie par le madhhab de son imam et qui a peu de gêne et peu de honte dans ses expressions, hein, lorsqu'on lui mentionne un hadith sahih qui est en contradiction, hein, avec ce que les imams du madhhab ont du madhhab Shafi'i, par exemple, ont écrit, comme par exemple Abu Ishaq ou bien Al-Ghazali, ou un des deux, hein, il ne voit pas qu'il faut se soumettre au hadith. Ça, c'est absurde. Il dit, et pourtant, le madhhab de l'imam Shafi'i, c'est de suivre le hadith. Et de laisser la parole de l'imam Shafi'i, il dit, laissez ma parole si ma parole contredit le hadith. Hein? Alors que eux, ils laissent le hadith pour la parole d'un imam, d'un cheikh qui prétend suivre le madhhab de l'imam Shafi'i et qui est venu des siècles après l'imam Shafi'i. Hein? Et ils laissent le hadith pour suivre ce cheikh-là, en prétendant suivre le madhhab Shafi'i. Donc, alors que le madhhab Shafi'i, c'est de laisser sa parole lorsque sa parole contredit le hadith. Donc là, il te montre en réalité, le cheikh ici, comment ces gens-là, ils se contredisent et comment ils contredisent l'imam même qu'ils prétendent suivre. Hein? Et donc, il dit, donc, ces gens-là pensent que il est correct de rejeter la parole du sahabi pour la parole d'un imam, hein, comme ils prétendent, et ils ne considèrent pas que de rejeter la parole d'un des savants qui est venu très tard, hein, parmi ceux qui ont écrit en se basant sur ce madhhab-là, ils ne voient pas que c'est mal de laisser sa parole pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'imam Shafi'i a permis et même ordonné de laisser sa parole à lui, hein, lorsque il contredisait le hadith. Alors que dire, hein, de la parole de quelqu'un qui vient bien longtemps après lui, parmi ceux que ces gens-là prétendent suivre parce qu'ils prétendent qu'il faisait partie de ceux qui le suivaient aveuglément. C'est clair ici que l'attitude de ces gens-là, elle est complètement fausse. Et ça, c'est ici, comme le cheikh il le mentionne, la parole de Abu Shama al-Maqdisi al-Shafi'i dans son livre Al-Kitab al-Mu'ammal. Et après, il dit wa kalamu shah waliullah ad-Dahlawi. Hein, il dit wa nahwahu kalamu shaykh Muhammad Hayat al-Sindibal bi ziyadati at-tawdih. Hein, wa kalamu shah waliullah ad-Dahlawi. Donc, il dit, on trouve la même parole chez le cheikh Mohamed Hayat al-Sindi, avec quelques exemples supplémentaires également en clarification, de même que dans la parole de cheikh Waliullah al-Dahlawi, qu'on avait cité dans les derniers cours, ou dans les cours précédents. Donc, il dit maintenant, « Wa qala cheikh al-Islam, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. » Il dit, « Wa kadhalika man sannafa fi ra'i. » فلم يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابه وأعرض عن الكتاب والسنة ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأي متبوعه ككثير من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم وكذلك من صنف في التصوف والزهد جعل الأصل ما روى عن متأخر الزهاد وأعرض عن طريق الصحابة والتابعين. Ici, dans Majmou' al-Fatawa, le cheikh il cite les paroles d'Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit, c'est la même chose que ceux qui ont écrit des livres dans les opinions. Quand on dit l'opinion, là, al-ra'yu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en général, qu'est-ce qui est basé sur yani, la raison ou les opinions, hein? Qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou bien parfois ça veut dire également qu'est-ce qui est basé sur des analogies ou sur des qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-qiyas, l'analogie ou les comparaisons. Donc ici il dit certains ont écrit des livres là-dessus, c'est-à-dire ils écrivent des livres sur des choses qui se basent pas nécessairement sur la sur les preuves du Coran et de la Sunna directement, mais sur des analogies. Et ils ne considèrent ou ils ne prennent en considération que l'opinion, la position de ceux qu'ils ont suivis, hein, et leurs compagnons. C'est-à-dire s'ils ont suivi un imam en particulier, et ils vont suivre cet imam, et ils vont suivre également les compagnons de cet imam, ceux qui ont étudié avec lui ou ceux qui ont été ses élèves, et ils vont se détourner du Coran et de la Sunna. Hein, et il dit... Ils vont juger ce qui est mentionné ou ce qui vient dans le Coran, dans la Sunna, selon l'opinion de ceux qu'ils ont suivis, comme beaucoup d'entre ceux qui prétendent suivre Abu Hanifa, hein, ou qui suivent Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et d'autres parmi les imams également, et qui les suivent aveuglément. Il dit de même que ceux qui ont écrit des livres à propos du soufisme, hein, Tasawwuf, ou bien qui ont écrit des livres sur Az-Zuhd, hein, fait de se détacher des parures de la dunya et des choses, des plaisirs de la dunya. Hein? Donc, il se base sur qu'est-ce que des gens qui sont venus très tard dans l'histoire ont écrit sur ce sujet-là et laissent de côté la voix des sahaba et des tabi'in, hein? Les premiers parmi les salaf. Ils laissent tomber leur position sur ces sujets-là et se basent sur qu'est-ce que des gens qui sont venus peut-être 400 ou 500 ans après, hein, ont écrit sur le sujet. C'est incroyable, hein? Et il dit ici, Après, le cheikh, ça c'est Ibn Taymiyyah, il dit également dans une autre citation, وَقَالَ أَيْضًا نَجِدُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُخَالِفُ الْحَدِيثِ مِمَّنْ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ غَيْرِهِمْ يَقُولُ هَذَا مَنْسُوخٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَا يَثْبُتُ وَلَا يُثْبِتُ مَا الَّذِي نَسَخَهُ وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ هَذَا مَنْسُوخٌ لكن هؤلاء قد يقولون إن وجود علم أهل المدينة بخلاف دليل نسخه وهذا كثير. Donc il dit le cheikh que également on trouve que beaucoup de gens qui contredisent le hadith authentique parmi les compagnons de Abu Hanifa et ou d'autres également parmi les imams, ils disent à propos d'un hadith ou d'une preuve, ah, ça c'est abrogé, ça c'est mansoukh. Il dit sans savoir que c'est vraiment mansoukh et sans avoir de moyen de confirmer qu'est-ce qui est venu l'abroger. Hein? Parce que si quelque chose est abrogé, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit venu établir que c'est une chose abrogée. Il faut une preuve. C'est quoi l'abrogeant? Hein? Donc eux, ils prétendent que des textes sont abrogés juste parce que c'est quelque chose qui contredit la position de leur madhab. Ça, c'est bizarre, cette attitude-là. Et il dit ensuite, il dit « Wakadalika », il dit également, il y en a qui se basent sur les actions des habitants de Médine, comme les compagnons de Malik. Parce que un des principes de l'imam Malik, après le Coran et la Sunna et l'Ijma, il se base sur les actions des habitants de Médine. Il prenait ces actions-là comme une référence dans la religion. Et donc, il dit que parfois ils se basaient là-dessus pour dire, ils se basaient sur ça pour dire que quelque chose est abrogé. Il dit, mais parfois, c'est possible que ces gens-là disent, si la connaissance, ou s'il existe une connaissance des habitants de Médine qui est en contradiction, hein? Ça, c'est la preuve que c'est abrogé. Et ça, on le retrouve beaucoup dans ce genre de situation-là, ce genre d'exemple-là. Il se base sur les actions des habitants de Médine pour prétendre que des choses sont abrogées, que des versets sont abrogés. Et le Cheikh Wasiullah, Hafizahullah Ta'ala, il dit « Wa sadaqa l'imam, rahimahullah ». Il a dit vrai. Hein? L'imam, ici, il a dit vrai, rahimahullah. Il dit ensuite « وهذا أبو الحسن الكرخي رحمه الله وغفر الله له قال الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح فالأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق وقال الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت الأدلة على النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه وقال الأصل أن الحادثة إذا وقعت لم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا في كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها إما الكتاب أو السنة أو غير ذلك مما هو الأقوى فالأقوى. الله أكبر أستغفر الله. جعل الأصل هو كتاب أصحابه والكتاب والسنة متأخرين عنهما تابعين لها فاعتبروا يا أولي الأبصار. Donc le cheikh il mentionne un point ici parmi les exemples des gens qui ont ce genre de ta'assub, Allah al-Musta'an. Il parle de Abu al-Hasan al-Karkhi, hein, dans son livre Usulul Karhi, il dit, pour donner un exemple de ce genre d'attitude envers les textes, que certains, par exemple, ils disent quoi faire dans leur livre, ils expliquent à leurs adeptes ou à ceux qui les suivent quoi faire s'ils trouvent un hadith qui contredit le madhhab. Et là, c'est ça ce qu'il. Quand on lit ce qu'il dit, on voit à quel point c'est grave. Parce qu'il dit dans ce livre, il dit que Allah lui pardonne, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah le pardonne. Il dit, un fondement, c'est que chaque verset qui contredit la parole de nos compagnons, quand il dit nos compagnons, c'est-à-dire les savants qui sont sur le même madhhab, hein, que nous, eh bien, on doit le prendre comme étant ala nasr, c'est-à-dire comme étant abrogé. Ou ala tarjih. Ou ala tarjih, c'est-à-dire que qu'il a été contredit par quelque chose qui est plus fort, qui est plus lourd. Il dit, et le mieux, c'est de le prendre dans l'interprétation, dans le but de lire, de faire le tawfir, c'est-à-dire de les harmoniser, ou bien de les prendre d'essayer de les prendre et de les rendre en accord l'un avec l'autre. Et il dit, wal aslu. Hein, il dit, la base, c'est que toute information ou toute narration qui est en contradiction avec la parole de nos compagnons, il doit être pris comme étant abrogé ou qu'il est en opposition avec quelque chose qui est semblable. Puis, il doit aller vers une autre preuve ou yani, essayer de faire pencher la position de notre... yani, c'est-à-dire, « au tarjih ma fihi » Bima yahtajju bihi ashabuna min wujuhi tarjih. Donc, d'utiliser le tarjih, c'est-à-dire de montrer que yani, notre position, c'est ça qui a précédence et qui est plus lourd. Ou bien d'essayer de les appliquer tous les deux en les harmonisant ou bien en les accordant l'un avec l'autre. Il doit faire ça selon yani, l'établissement de la preuve. Si on est capable d'établir la preuve, alors que ça c'est abrogé, dans ce cas-là, on va le prendre dans ce sens-là. Et si c'est autre chose qui est établie par la preuve, alors on va se tourner vers hein, l'autre. Il dit, et si dans le cas où on ne trouvait pas de manière de faire d'interprétation pour déformer ou bien pour interpréter le texte d'une autre façon, pour trouver une réponse, dans les livres de nos compagnons, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'extraire une réponse de ces paroles, de ces positions-là. Si on n'a pas trouvé de façon d'extraire de paroles de ceux-là, eh bien, on va se tourner vers autre, soit le Coran ou soit la Sunna. Hein? Il dit, ou bien autre chose, selon qu'est-ce qui est le plus fort. Et le cheikh dit Allahu Akbar, Astaghfirullah. Yani, c'est grave. Il dit, comment ils ont fait la parole qui est mentionnée dans les livres de leurs compagnons comme étant la base, puis ils ont mentionné comme alternative à ça le Coran et la Sunna. C'est-à-dire comme si on prend des livres de nos compagnons dans le madhab. Si on ne trouve pas d'explication dedans, on se tournera vers le Coran et la Sunna. Ça, c'est grave. Comme si le Coran et la Sunna venaient en second lieu et que ça suit, qu'est-ce que ça suit, c'est-à-dire ça suit qu'est-ce que les livres de leur madhab ont mentionné. Comme si ce n'était pas la base. Maintenant, ça devient hein, quelque chose de secondaire qui est disons, en arrière de qu'est-ce qui est établi par le madhab. Alors, il dit, réfléchissez bien, hein, prenez une leçon, ô vous qui hein, détenez la connaissance et la compréhension. Et il dit, وَالْحَقُّ أَنَّ التَّقْلِيدَ الْجَامِدُ وَالتَّعَصُّبُ يُهَوِّنَانِ عَلَى صَاحِبِهِمَا رَدَّ السُّنَّةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. Il dit qu'en réalité, le taqlid qui est figé et qui est rigide, hein, ainsi que le fanatisme aveugle, eh bien, c'est deux choses qui rendent très insignifiant pour ceux qui sont atteints de ces malheurs-là ou de ces problèmes-là, ça rend pour eux insignifiant le fait de rejeter la sunna, comme si ce n'était pas grave. C'est-à-dire, quand quelqu'un il fait le taqlid de façon rigide et aveugle, et qu'il est fanatique envers la position qu'il suit, il ne va pas avoir aucun respect ou aucun. Il ne va pas trouver ça comme étant quelque chose de grave de rejeter la sunna. Et ça, c'est peu importe l'époque et peu importe l'endroit. Le cheikh, il cite des exemples à propos de ça. Il dit: Dhakara al-Imam ibn al-Qayyim an Abi Hatim al-Razi al-Imam. قال العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ وصحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له وما جاء عن الألباء من الصحابة وما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج عن اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم، وسمى من أتباع التابعين وتابعيهم عددا. ثم قال ابن القيم: فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم، إنما يصار إليه عند عدم الماء. فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير. ثم حدثت بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله، فقالوا: إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة، لم يجز أن ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال الصحابة، بل إلى ما قال مقلده ومتبوعه ومن جعله عيارا على الكتاب والسنة مما وافق قوله أفتى به وحكم به، وما خالفه لم يجز له أن يفتي به ولا يقضي، وإنما فعل ذلك، وإن فعل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكم واستفتي عليه. Donc, il mentionne ici des exemples. Il dit: Wastuftiya alayhi, ma taqulu as-sadatu wal-fuqaha fi man yantasibu ila madhhab imam mu'ayyan yuqalliduhu duna ghayrihi thumma yufti aw yahkum bi khilaf madhhabihi, hal yajuzu lahu dhalik wa yaqdahu fihi am la? Fayanghidu al-muqalliduna ru'usahum ويقولون لا يجوز ذلك ويقدح فيه. Donc, on va traduire cette partie, après on va continuer. Ici, le cheikh, il explique que Ibn al-Qayyim, il a mentionné une parole de Abu Hatim al-Razi. Il dit que la science pour nous, c'est ce qui vient d'Allah. C'est-à-dire d'un livre, Kitab al-Natiq, un livre qui parle. Et qu'est-ce qui est abrogeant et non pas qu'est-ce qui est abrogé, et qu'est-ce qui est authentique des paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam parmi ce qui n'a pas été opposé, et ce qui est venu de la part des savants parmi les sahaba et ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Et s'ils ont divergé, eh bien on ne sort pas de leur divergence. Et il dit: فَإِذَا خَفِيَ ذَلِكَ, si quelque chose comme ça devient difficile à connaître, ou bien que c'est quelque chose qui n'est pas compris de la part de certaines personnes, alors dans ce cas-là, on va prendre des tabi'in. Et si on ne trouve pas parmi les tabi'in, alors on va prendre des imams de la guidance et ceux qui les ont suivis. Puis il a mentionné un nombre d'entre les élèves des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, un nombre d'entre eux. Puis Ibn al-Qayyim a dit, ça c'est la voix des hommes de science parmi les imams de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit parmi les imams de la religion, c'est ça, ils ont pris les paroles des imams comme étant quelque chose auquel on a recours après avoir pris du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba, comme lorsque quelqu'un il n'a pas d'eau pour faire le tayammum. Hein? Quand tu n'as pas d'eau, tu peux utiliser la terre pour faire le tayammum. Donc, si par exemple quelqu'un il n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba, il peut se baser sur les paroles des savants qui viennent par la suite, comme si quelqu'un qui n'avait pas d'eau, il va se baser sur la terre pour faire le wudu, il va faire le tayammum. Donc, ils considèrent que les savants ils considèrent que de se baser sur les paroles des savants lorsqu'on ne connaît pas le dalil et d'avoir recours au taqlid, c'est une forme de comparaison avec le tayammum quand tu n'as pas d'eau. Hein? C'est-à-dire, si tu as de l'eau, tu vas pas te référer à. Tu vas pas utiliser de la terre pour faire le tayammum si tu as de l'eau. Donc, si tu as les preuves du Coran et de la Sunna, tu n'as pas besoin de te référer à des savants qui sont venus après. C'est ça. La qiyas ma'a an-nas. Lorsqu'il y a un nas, un texte clair et explicite du Coran et de la Sunna, il n'y a pas de qiyas, il n'y a pas d'analogie à faire, ou d'ijtihad à faire dans ces questions-là, parce que l'affaire, elle est claire. Hein? Il n'y a pas besoin de faire d'ijtihad pour savoir dire, est-ce qu'on va rendre l'alcool halal, hein, pour l'ijtihad? Non, il n'y a pas d'ijtihad, parce que l'alcool, c'est clair que c'est haram dans le Coran. Donc, quand il y a un nas sarih, on ne peut pas faire d'ijtihad dans ces cas-là ou de qiyas. Et il dit donc, Ibn al-Qayyim, il dit, si c'est le cas, alors dans ce cas-là, de se passer, hein, des paroles des savants qui sont venus par la suite et qui ont suivi eux-mêmes des imams aveuglément, hein, et de comparer ça avec le tayammum, c'est encore beaucoup plus apparent et beaucoup plus facile, hein, que le tayammum même. Et il dit, après ça, il y a d'autres gens qui sont apparus. Donc, Imam Ibn al-Qayyim dit, après cette catégorie-là, ou après ces savants-là, il y a d'autres personnes qui sont apparues, qui, eux, sont les ennemis de la science et ennemis des gens de science. Et lorsque un malheur arrive, hein, ils disent, hein, leurs muftis disent qu'il faut ne pas regarder dans le Coran et la Sunna, ni dans les paroles des Sahaba. Plutôt, il faut se tourner uniquement vers celui que tu as suivi aveuglément parmi les imams et yani, tu le prends comme référence au-dessus du Coran et de la Sunna. Hein? Et il dit. Il dit donc que. Tu n'as pas le droit de prendre qu'est-ce qui vient en contradiction avec la position de ce que ton mufti a dit comme fatwa dans ces situations-là. Et si tu le contredis, alors si le mufti, par exemple, qui est face à cette situation dans laquelle il doit faire une fatwa, si lui, il contredit le madhhab et qu'il fait une fatwa, même si c'est selon le Coran et la Sunna, yani, s'il contredit son madhhab, il faut qu'il soit enlevé de cette position-là. Il faut plus qu'il puisse faire de fatwa ou de jugement dans ce cas-là. Et ils ont même posé la question à ce sujet. Et ils ont dit, qu'est-ce que disent les fuqaha au sujet d'une personne qui appartient à un imam ou à un madhhab et qui le suit, hein, en dehors des autres, puis que lorsqu'on lui demande un jugement, il juge en contradiction avec le madhhab. Est-ce que ça c'est permis pour lui? Et est-ce que ça c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose qui est une faute dans sa religion ou non? Et il dit, les gens qui suivent aveuglément, ils baissent leur tête et ils disent, cela n'est pas permis. Hein? Et ça c'est quelque chose qui diminue sa religion. Donc ça c'est grave, hein, de penser ça. C'est comme si ces gens-là, ils ont, en agissant ainsi, dénigré, hein, le Coran et la Sunna. Et comme j'écoutais un dars ce week-end ou le week-end passé, donc durant la semaine, le dars de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, le cours 23 dans Ar-Risalat al-Tadmouriya, le charh de Al-Tadmouriya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et dedans, il expliquait justement cet aspect-là. Et il disait que ces gens-là, ils ont contredit la partie du témoignage de Muhammad Rasulullah. Parce que quand tu dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », ça veut dire que tu dois accepter que tu n'as pas le droit d'obéir tu dois accepter qu'il n'y a personne qui est obligatoire d'être obéi en dehors du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si quelqu'un, il vient, puis qu'il veut imposer ou rendre obligatoire pour les musulmans de suivre quelqu'un aveuglément dans tout ce qu'il dit, autre que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors ça, c'est comme s'il met la parole de cette personne au même degré que la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, il contredit le témoignage, ou qu'est-ce qui est impliqué par le témoignage de « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». D'accord? Donc c'est extrêmement grave. Et le cheikh, il dit « وَلَعَلَّ الْقَوْلَ الَّذِي عَدَلَ إِلَيْهِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبِي كَعْبٍ ومعاذ بن جبل وأمثالهم فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله ورسوله بأنه لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه وإن كان مع أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين. Donc il dit, le cheikh, il dit peut-être même que la parole de celui que eux ils refusent, c'est la parole de Abu Bakr ou la parole de Omar, la position de Abu Bakr ou de Omar ou de Ibn Mas'ud ou de Ubay ibn Ka'b ou de Mu'adh ibn Jabal et d'autres semblables. C'est-à-dire des montagnes de science parmi les sahaba. Et il répond donc qu'il est obligatoire de suivre celui qu'il a suivi aveuglément parmi les imams du madhab. Même si celui qu'il a contredit, c'était Abu Bakr ou Omar ou Uthman ou Ali radiallahu anhum ajma'in, ou bien Ibn Mas'ud, ou Abdullah Ibn Abbas, ou Abdullah Ibn Omar, et ainsi de suite. Donc, est-ce que celui qui s'est placé dans cette position pour signer au nom d'Allah et du messager, en signant, en faisant des fatwas, parce que lorsque tu donnes une fatwa, c'est comme si tu signais à la place d'Allah et de son messager sur quelque chose. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, il a appelé son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin. Qu'est-ce que ça veut dire I'lam al-Muwaqqi'in? I'lam al-Muwaqqi'in, c'est-à-dire l'annonce faite par ceux qui, ou bien de faire savoir à ceux qui signent au nom d'Allah et de son messager. C'est-à-dire que quand tu fais une fatwa et quand tu établis un jugement dans la religion et que tu l'expliques, c'est comme si tu parlais au nom d'Allah. Et c'est comme si tu signais pour Allah. Donc, comment quelqu'un qui se prétend ou qui accepte même de signer pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son messager, peut-il dire que c'est interdit de contredire la parole de celui qui l'a suivi aveuglément parmi les imams, même si la parole de celui qui l'a contredit sont ceux qui sont plus savants et qui connaissent mieux Allah et son messager que lui? hein? Ou même si leur parole c'est basé sur la parole d'Allah dans son livre et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Il dit ça, c'est un des plus grands crimes que le groupe du taqlid ont fait contre la religion. D'imposer aux gens de suivre aveuglément un madhhab, même lorsque c'est quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et le pire, c'est ça, c'est que ces gens-là, hein, ils disent, si tu, même, il y en a qui ont même été jusqu'à l'extrême de faire le takfir d'un musulman qui ne suit pas un madhhab aveuglément, ou de le considérer comme un innovateur, de considérer qu'il est mubtadi' ou égaré, hein. Et ils disent, par exemple, à propos de ceux qui yani, rejettent le taqlid aveugle, le fanatisme envers les madhahib, ils les appellent des la madhhabiyya, hein, comme si c'était des anti-madhhab. Et ils pensent que ça, c'est quelque chose qui est grave, hein, c'est une innovation. Et c'est une des reproches que certains ont fait même à l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils ont dit, ah, lui, c'est un anti-madhhab. Hein, c'est un innovateur parce qu'il il impose pas aux musulmans de faire le taqlid. Hein? Et donc, pour eux, si tu fais pas le taqlid d'un des quatre madhahib, tu es égaré de la religion. Oui, c'est ça. Et le pire, c'est que si tu regardes avant les quatre madhahib, il n'y avait pas cette mentalité-là, cette idée-là même de dire que c'est obligatoire de suivre un savant parmi les savants. Et que si tu le suis pas, tu es un égaré. Ça n'existe pas. Il n'y a personne que tu peux dire que si tu le suis pas, tu es un égaré, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la base. Et le cheikh, il dit ensuite, لو أنهم لازموا أحدهم و نعم لو أنهم لزموا حدهم ومرتبتهم وأخبروا أخبارا مجردا عما وجدوه من السواد في البياض من أقوال من لا علم لهم بصحيحها من باطلها لكان لهم عذر ما عند الله لكان لهم عذر ما عند الله ولكن هذا مبلغهم من العلم وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين بحججه وبالله التوفيق. Donc le cheikh, il dit, si ces gens-là seraient restés à leurs limites et à leurs degrés, et se seraient limités à donner à citer des informations, hein, de ce qu'ils avaient trouvé écrit dans les livres, noir sur blanc, des paroles, hein, de, il dit, yani, akhbaru akhbaran mujarradan amma wajaduhu min as-sawadi fil bayad min aqwali man la ilma lahum bi sahihiha wa batiliha lakana lahum udhrun. Il dit, si c'était limité juste à transmettre les informations de ce qu'ils ont trouvé noir sur blanc dans les paroles de ceux d'entre eux qui n'ont aucune connaissance de ce qui est vrai, de ce qui est faux parmi ces gens-là, eh bien, ils auraient peut-être eu une excuse, hein, auprès d'Allah. Il dit, walakin hada mablaghuhum min al-ilm. Il dit pas, mais c'est la limite de leur connaissance. Et ils ont pris en animosité les gens de la science et ceux qui sont établis sur les preuves de cette science. Hein? Donc ça, c'est une des paroles qui est mentionnée par l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre « I'lam al-Muwaqqi'in ». Et dans le livre « I'lam al-Muwaqqi'in », justement, il y a une partie dans le livre, il y a quatre volumes en général, il a été publié le livre en quatre volumes, et dans une partie de ce livre-là, il y a un dialogue qui est écrit entre un muqallid et quelqu'un qui s'attache à la sunna. Et donc, ça, c'est une méthode ou une voie que les ulama ont utilisée parfois pour établir la vérité et montrer la vérité de façon plus claire aux gens, c'est qu'ils ont imaginé une discussion entre deux personnes. Une qui est sur la vérité et une qui est sur le faux, et l'échange qu'il y a entre les deux, chacun il donne qu'est-ce qu'il a comme argument et l'autre il répond. Et franchement, si vous lisez ce dialogue-là que Ibn al-Qayyim a illustré dans ce livre, I'lam al-Waqi'in, vous voyez yani, à quel point yani, il réfute point par point et argument par argument les idées de ceux qui appellent au taqlid aveugle. Hein? Et donc le livre est très très fort. C'est un livre extrêmement fort. Ce livre, I'lam al-Waqi'in, yani, mashallah, yani, dans l'usul et dans les fondements et dans les principes de la religion, c'est un des livres, mashallah, parmi un des excellents livres de Ibn al-Qayyim. Il dit également, justement, par rapport à ça, il dit, وقال ابن القيم أيضا والله يشهد عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمهما من قول من قلدوه وإن استبان لهم في الكتاب والسنة أو الصحابة خلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا الشيء منه إلا بقول من قلدوه فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكثرها لقولهم وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم. Donc ici, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, et ici, Allah subhanahu wa ta'ala témoigne contre eux ainsi que ses anges. Hein? Allah témoigne contre eux ainsi que ses anges, et ils sont témoins contre eux-mêmes, hein, du fait qu'ils ont pris leur jugement de la parole de ceux qu'ils ont suivis aveuglément, même si on leur a clarifié ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ou on leur a clarifié que la parole des Sahaba contredit ce qu'ils ont suivi. Ils ne se tournent pas, hein, ils ne vont pas se tourner vers qu'est-ce qui est dans le Coran, dans la Sunna et la parole des Sahaba. Ils délaissent ça. Ils ne vont rien en prendre, excepté si ça vient de la parole de ceux qu'ils ont suivi aveuglément. Et donc il dit, et la parole de Omar, c'est une des choses les plus claires pour réfuter et détruire et casser leur position et leur parole à ce sujet-là. Et il dit, et c'était ça la voie que hein, les salafs ont empruntée, la voie droite et la guidance droite que les salafs ont empruntée. Le cheikh, il dit ensuite, والنقول عن الأئمة المحققين في هذا الباب كثيرة والحق أن التعصب لأحد معين أضراره كبيرة وكثيرة ولهذا تشدد العلماء على المتعصبين كما مضى وقال الشيخ العلام ابن أبي العز الحنفي فإن الغضب والتعصب لواحد معين من الأئمة وصف مذموم من جنس الرافضة وهو من أفعال الجاهلية كما في صحيح مسلم وسنن النسائي عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية وينصر عصبية فقتله جاهلية وروى أبو داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قال بعصبية وليس منا من مات على عصبية. Donc on va traduire cette parole ici. Le cheikh, il dit, il y a des narrations de la part des imams parmi les savants vérificateurs. Ils sont nombreux, leurs paroles sont nombreuses à ce sujet-là, au sujet du ta'assub, hein, le fanatisme, par le fait de suivre fanatiquement une personne en particulier, et que les méfaits de ça sont grands et nombreuses. Et il dit que les savants ont été même très sévères vis-à-vis des fanatiques de cette catégorie, comme on l'a mentionné déjà, et il cite la parole de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, hein, rahimahullah, lorsqu'il dit dans un de ses livres, Al-Ittiba', hein, dans lequel justement il parle de ce sujet-là, et Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est le même qui a fait le charh de Aqidat al-Tahawiyya. C'est un charh très célèbre de la Aqidat al-Tahawiyya. Et Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est un des élèves des élèves de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il a profité donc beaucoup de leur science. Et c'est pour ça qu'il dit justement, c'est ce qu'il explique dans ses livres. Et il dit ici que la colère et le ta'assub, le fait d'être en colère et de s'attacher fanatiquement pour un, en particulier parmi les imams, ça c'est une caractéristique blâmable qui rentre dans la même catégorie que l'attitude des rafidah. Parce que c'est les rafidah qui ont laissé de côté les sahaba et qui se sont acharnés à vouloir suivre aveuglément uniquement Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ou prétendent vouloir suivre Ali, même si ce qu'ils prétendent suivre est en contradiction avec ce que Ali lui-même a dit, ainsi que le reste des sahaba. Donc ça, c'est l'attitude des rafida, qui suivent aveuglément leurs imams, hein, et les imams de leur secte. Donc il dit, وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ. Et cette attitude de vouloir s'attacher fanatiquement à la position d'une personne en particulier, ça c'est l'attitude de la jahiliya, des gens dans la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. Et comme c'est rapporté par l'imam muslim ainsi que dans Sunan al-Nasa'i, selon Jundub ibn Abdullah al-Bajali, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque tue sous une bannière aveugle » et qui appelle à une forme de fanatisme quelconque, qui vient au secours du fanatisme, ou d'une forme de asabiyya, que ce soit un tribalisme, ou nationalisme, ou attachement fanatique à une école, ou à un individu, ou à une personne, dans ce qui contredit le Coran et la Sunna, alors dans ce cas-là, hein, s'il a combattu sous cette bannière-là, il a combattu, hein, d'une façon qui est semblable à celle de la jahiliya, celle de l'ignorance, la période pré-islamique, parce que c'est comme ça que les gens faisaient avant l'islam. Et Abu Daoud, il rapporte selon Jubair ibn Mut'im que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas des nôtres celui qui appelle à une forme de fanatisme quelconque, et il n'est pas des nôtres celui qui parle selon une forme de fanatisme quelconque. Et il n'est pas des nôtres celui qui meurt, hein, sur un fanatisme. Donc ça, c'est rapporté par Abu Daoud. Il dit, la chaîne en question, elle est faible, sauf qu'il y a d'autres narrations qui la supportent. Et ça, c'est la fin de la citation de Ibn Abi al-Izz, ici, dans cette partie-là. Il dit, ومن المتأخرين العلامة مولى علي القاري الحنفي قال وقد أرغب الكيداني حيث قال العاشر. En fait, je regardais pas l'heure, mais je viens juste de m'apercevoir que il est déjà une heure, ça fait déjà 1h23 qu'on a commencé, donc il nous reste avant le prochain point. Il ne me reste pas beaucoup, mais même s'il ne me reste pas tellement beaucoup, le fait de lire ça et traduire, ça va nous prendre plus de temps que le temps qui nous reste. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc, le cours, c'est le cours. Le prochain, c'est le cours 16. Non, c'est 17. Donc, on a lu vraiment beaucoup aujourd'hui, Mach'Allah. Même si ça paraît pas, mais le temps passe vite, yani, subhanallah. Donc, il nous reste encore quelques points pour finir ce chapitre. Donc, on va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah.